Ariste Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur notre antenne. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Commémoration ce samedi du 30e anniversaire de la mort de Cyprien Diamira, ancien président de la République du Burundi, tué dans un crash d'avion présidentiel de son homologue rwandais à l'aéroport de Kanombe. C'était le 6 avril 1994. La famille de Feu Diamira, par le biais de son épouse, de même que le parti Savoignafro Debout, compte continuer à plaider pour que justice soit faite. Entre-temps, l'archevêque catholique de Bujumbura, au cours de la messe commémorative de son 30e anniversaire, a appelé à ceux qui dirigent le pays d'éviter le verrouillage de l'espace politique et l'injustice qui risquerait de révolter certains esprits, comme à l'époque de Nadia Mira. Une centaine de personnes, dont 25 enfants parmi elles, ont été victimes du trafic humain en Burundi ces trois derniers mois. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans la défense des droits de l'enfant, l'on signale que 15 de ces enfants sont de la province Kayanza. Bienvenue à cette édition. La mise en onde est assurée par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La famille de Feu Cyprien Diamira ne se lassera jamais de chercher la vérité sur ce qui s'est passé. Dans une conférence publique organisée par le parti Savoignafro Debout ce vendredi, son épouse a annoncé qu'elle a demandé aux Nations Unies que des enquêtes neutres soient faites, mais n'a jamais eu gain de cause. Sylvain Diamira a déclaré toutefois que la famille va continuer à plaider pour que justice soit faite. On l'écoute dans cette traduction de Francine Ndiokoukaï. J'ai fait de mon mieux pour que la vérité soit connue, mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. En 1999, j'ai envoyé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies d'alors, lui demandant une commission chargée des enquêtes neutres, parce que l'attentat du 6 avril n'était pas banal. Je me suis toujours étonnée que les Nations Unies n'aient pas réagi à temps. J'ai moi-même été en contact avec Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, à cette époque. Je lui ai rappelé le contenu de ma lettre. Il m'a répondu que cela serait possible si les gouvernements concernés se saisissent de l'affaire pour éviter que ce soit sous la responsabilité des familles ayant perdu les leurs. J'ai par la suite approché les différents dirigeants du pays et ils m'ont promis de le faire, mais en vain. Nous allons continuer notre requête et nous espérons qu'un jour, la lumière sera faite, même si ce sera après 50 ou 60 ans. Le parti Savoignafro Debout demande à l'État de mener des enquêtes approfondies afin de connaître les vrais moteurs de l'assassinat de Feu Cyprien Diamira. Lors de la 30e commémoration du meurtre de cet ancien président du Burundi ce samedi, Phénias Nigaba, vice-président de ce parti au pouvoir à l'époque, réclame également que l'indemnisation de la compagnie aérienne qui transportait Diamira soit octroyée à sa famille et car les informations non encore vérifiées indiquent que l'indemnisation pour Diamira et ses compagnons aurait été détournée par l'avocat de la défense, suivez plutôt Phénias Nigaba. Nous demandons au gouvernement d'engager les procédures politico-diplomatiques et judiciaires pour voir comment faire des enquêtes fouillées en impliquant la communauté internationale et le Rwanda pour que les commanditaires, les assassins, les mobiles de l'assassinat du président Diamira soient connus officiellement. Et cette fois-là, si c'est connu, il faudra que les coupables soient punis, soient sanctionnés conformément à la loi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous voyons que le président Diamira, c'était vraiment un président qui est mort dans un attentat, mais il cherchait la paix et la sécurité pour le Burundi. Nous voudrions demander au gouvernement du Burundi de voir comment ériger un héros national pour la paix et la sécurité, parce qu'il venait même de la Tanzanie pour cette cause même. C'est pourquoi nous demandons cela au gouvernement burundais. Troisièmement, nous demandons au gouvernement du Burundi d'aider les familles des victimes pour chercher l'avocat belge qui a volé les indemnités des dites familles pour que ces derniers soient rétablis dans leurs droits. Dans son homélie à mémoire de feu, président Nadia Mira Cyprien, l'archevêque catholique de Bujumbura, Gervais Bashimibusa, a conseillé les Burundais de tirer des leçons du passé pour éradiquer l'exclusion et la justice non équitable dans le pays. On l'écoute. Pour l'histoire, je voudrais rappeler à ceux qui ne le sauraient pas qu'au moment où le président Cyprien Ntaryamira s'est vu confier la responsabilité de la gouvernance de ce pays, on était dans une confusion totale, dans une crise d'autorité consécutive précisément à ce que il y avait des gens qui n'avaient pas accepté qu'il y ait des mutations politiques. Il y a des gens dans notre sous-région des Grands Lacs et même dans ce pays qui avaient fini par penser qu'ils étaient nés pour régner, dominer sur les autres jusqu'à la fin des temps. Il y a de cela une trentaine d'années, heureusement que c'est du passé. Avec nos yeux d'aujourd'hui, nous condamnons et à raison ces attitudes qui n'honorent personne. Mais où en sommes-nous aujourd'hui dans notre pays ? Posons-nous la question, osons-nous poser la question. La tendance à verrouiller l'espace politique pour qu'il soit monopolisé par un seul groupe. La tendance à avoir un système d'une justice qui n'inspirait pas confiance à tout le monde à cause de l'ingérence de certains. La tendance à museler quiconque pose une réflexion critique. Pour nous rappeler que cela, ne sont-ils pas des réflexes dangereux qui sont en train de s'inviter dans notre système de gouvernance? Et s'il n'y a pas de sursaut national, ne risquons-nous pas de nous retrouver dans cette situation d'exclusion révoltante qui prévalait au temps du président Cyprien Ntaryamira? Dans le texte des Actes des Apôtres, il nous est heureusement rappelé que ces apôtres, pourtant incultes et sans moyens de défense, grâce à leur foi en la résurrection, ont opposé une résistance farouche à ce que ces chefs du peuple leur demandaient en leur disant « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ?» Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Place aux nouvelles des provinces. La population de la province Rumonge, à commencer par les administratifs à la base, est appelée à dénoncer les cas de concubinage afin de chasser les concubines pour la sécurité dans les ménages. Cet appel est de Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, ce 6 avril, à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Le gouverneur de Rumonge dit que cela contribuerait à limiter les naissances hors mariage. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans l'optique de pérenniser la discipline dans tous les secteurs, héritage de feu, président Cyprien Ntaryamira, Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, appelle à la discipline même dans les relations sociales. Dans ce volet, le gouverneur de Rumonge, dans la ligne tracée par le président de la République du Burundi, ordonne la dénonciation lors des réunions de sécurité prévues deux fois par mois sur chaque colline de toutes les concubines afin de les chasser. Elles sont, selon le gouverneur de Rumonge, à l'origine de l'insécurité permanente dans les familles, surtout avec la naissance des enfants de pères inconnus. Le gouverneur de Rumonge rassure que l'administration de la zone à la province soutient que ces personnes qu'il juge perturbatrices de la sécurité familiale soient combattues avec toute la dernière énergie. Mais Avant cette dénonciation publique, le gouverneur de Lomongué demande surtout à toutes les concubines de partir d'elles-mêmes. Jean-Pierre Misago depuis Lomongué, Radio Isanganiro. Dernier dossier de ce journal, une centaine de personnes, dont 25 enfants parmi elles, ont été victimes de trafic humain en Burundi ces trois derniers mois. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans la défense des droits de l'enfance, on indique que parmi ces 85 enfants, 15 sont de la province Kayanza. Bakanibona Sylvain, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, appelle les parents à suivre de près l'éducation de leurs enfants, expliquant qu'ils sont victimes du trafic humain après avoir abandonné l'école. Patrick Sengiumva nous en dit plus. Selon les données chiffrées fournies par la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB en sigle, 102 personnes ont été victimes du trafic humain, dont 85 enfants et 17 adultes. Parmi ces enfants qui ont été victimes du trafic humain, 74 sont des garçons et 11 sont des filles. Eddie Manila Kizan-Han, des représentants de la FENADEB, fait savoir que ces enfants qui sont victimes du trafic humain sont aussi victimes de différents travaux qui ne sont pas conformes à leur âge, ce qui peut, d'après lui, gâcher leur avenir. Sibonda Vibartazal, représentant des raisons des associations de la société civile en province Kayanza, lui, trouve que le trafic humain doit être combattu, surtout en révisant la loi régissant les sanctions contre les auteurs du trafic humain. Même son de cloche avec Bakaniwona Sylvain, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, qui appelle les autres associations engagées dans la défense des droits humains à travailler en synergie avec la FENADEB dans la lutte contre le trafic des hommes. Signalons que ces trois derniers mois, après la province Kayanza, qui totalise 15 personnes qui ont été victimes du trafic humain, suivent les provinces Ngozi, Ruyigi et Karusi, avec 14 personnes qui ont été victimes du trafic des hommes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean Bosco Douiman. Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Organiser les états généraux de la protection civile, titre le journal Iwachu, qui souligne que les informations liées aux effets des catastrophes naturelles ont dominé les colonnes de son confrère ces derniers jours. Pour ce journal, le constat est sans appel. Maisons inondées, écoles fermées, ports touchés, les plages qui faisaient la fierté de la capitale économique sont fortement touchées. Les pertes sont énormes. Les riverains vivent la peur au ventre. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Face à la récurrence des catastrophes naturelles et des sinistres, ils font non seulement une réponse d'urgence, mais aussi des solutions à long terme, alerte l'hebdomadaire Iwachu. Certes, les avis et considérations des experts sont pertinents, mais l'éditorialiste du journal Iwachu pense qu'il devrait y avoir un grand débat national permettant aux décideurs de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les biens et les personnes. Et Burundi Echo nous propose cette semaine une édition spéciale sur la problématique de la gestion des déchets municipaux qui refait surface. L'éditorialiste de ce journal considère que c'est une opportunité d'affaires. En effet, poursuit son confrère, le pays devrait s'inspirer de l'exemple des autres pays champions en matière de gestion des déchets, puisque ces derniers ne sont pas du tout une fatalité, mais plutôt une opportunité d'affaires. Cet hebdomadaire socio-économique donne les exemples de l'Éthiopie et de la Suède qui se sont dotés d'usines de recyclage des déchets en énergie. À travers l'incinération des déchets, explique-t-il, on produit l'énergie sous forme d'électricité, de biogaz ou digesta, et pourquoi pas de charbon. Les études montrent que l'incinération d'une tonne de déchets peut produire jusqu'à 700 kWh d'électricité ou 1500 kWh de chaleur. Note Burundi Echo. Revue de la presse. Les communes appelées à exploiter leurs marais au lieu de les laisser aux locataires ou à la population, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que c'est l'avis de l'administrateur communal de Butaganzwa en province Kayanza, Janvier Kanyana, qui témoigne que la commune a enregistré des pertes énormes, ce qui n'est plus le cas avec son implication dans l'exploitation des marais. Le 2 avril, cette commune procédait à la clôture de la campagne de récolte de la saison culturelle à 2024 dans le marais de la Ruvubu, s'étendant sur environ 2,5 hectares, précise encore l'ABP. Dans une interview accordée à son confrère au terme de cette activité de récolte du maïs, cette autorité communale à Butaganzwa a fait savoir qu'avant, les locataires de ce marais communal ne totalisaient même pas 1 million de francs burundais, alors que pour le moment, la commune encaisse plus ou moins 30 millions de francs burundais par saison culturelle. Des résultats médiocres au lycée technique de la Foi alertent la voix de l'enseignant. Ce journal souligne que cette situation du deuxième trimestre est consécutive à la non-révision des matières par les apprenants et le manque criant d'enseignants. Cela fait que les programmes ne sont pas dispensés en entièreté. Et comparativement au deuxième trimestre de l'année scolaire écoulée, cette fois, les résultats ont chuté de 12,35%, explique Dieudonné Lukonga, directeur du dit établissement, dans les colonnes de ce journal. D'après une enseignante d'une école voisine qui s'y est rendue pour surveiller les examens en réseau, rapporte son confrère, les élèves de cette école sont drôles. Pendant les examens, aussitôt que le questionnaire leur est distribué, explique-t-elle, ils ne se concentrent pas et remettent parfois des feuilles de réponses vides. Aussi, ils sont caractérisés par une indiscipline notoire et leur faible performance ne peut étonner personne, renchérit-elle, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. On termine par cette dépêche d'Honnête Presse qui rapporte que deux coups de poing ont suffi pour qu'un tenancier d'un cabaret tue son client, en certain Henri Bagorikunda, qui porte le sobriquet de Sazi, après une courte dispute. Ce quotidien en ligne précise que le forfait a eu lieu ce jeudi vers 21h sur la colline Gatete en commune de Rumonge et que l'auteur en cavale est activement recherché par la police. C'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.